Tellement qu'ils ont brisé leur chaîne. Mes ancêtres avaient la haine et pour moi c'est la même. Pour ma liberté je me démène. Again, mon sang brûle dans mes veines. Je dis c'est pas la peine. Heureusement qu'ils ont brisé leur chaîne. Mes ancêtres avaient la haine et pour moi c'est la même. Pour ma liberté je me démène. La politique est ponctuée, fait marquant des plus remarquables. Remarque, chaque page de l'histoire en est monarque et marque. Chaque virage de mes frères tège dans la scène au pillage du fisc. Ou SDF mis dans l'arène, on dit qu'on fait l'état. Alors pourquoi on peut pas le défaire, se payer dans un sale état. Laisse tomber mon frère, mais laisse moi rire fils quand l'autre balle traîne dissous l'assemblée. Qu'on parle d'Europe unie alors qu'on peut même pas se rassembler. J'ai pas de carte d'électeur, me demande pas pourquoi. À ma majorité j'avais d'autres priorités que de voter pour des tas de cons, flics ou voyous. Y'a que deux catégories qui l'emportent. Je dois être hors norme, et y'a que deux sortes. Dans la fracture sociale, y'a que mes associés. Bordés de nos sangs tout genre, de part et d'autre, de haut en bas. Gauche à droite, fauché pour nous. Quand d'autres niquent le bénéfice comme Pinochet. J'avoue, contre le gouvernement. Je rappe sans être à couvert ouvertement. Comme des plaies, je plaide, mec, je veux le couvert. Pour me défendre au cas où on voudrait me gaver de ce gâteau couvert. Avarié, dont les ingrédients ont trop souffert. Malversation, trop d'amateurs, sensations fortes. Exportent les mondes parce que ça leur rapporte. Nouvelle censure, les tirs sont noyés dans la corde. Des copies excessives, insipides, la qualité se dilapide. Électeurs fictifs, politico-imaginatif s'active devant un buzz lucratif. Monde corrompu dans lequel la vérité est tue. Facile d'oublier les guerres, les désastres ininterrompus. La terre-mer sera épuisée. Dégradation puis le quaternaire dû aux objectifs destructeurs visés par la civilisation depuis la nuit des temps. Animal politique et l'homme dont la maladie s'étend. Dont la maladie s'étend. Mon sang brûle dans mes veines, je dis c'est pas la peine. Heureusement qu'ils ont brisé leur chaîne. Mes ancêtres avaient la haine et pour moi c'est la même. Pour ma liberté, je me démène. Musique, c'est, ça n'est pas normal, non. Les gens crèvent la dalle, où sur cette putain de terre où tout sont des chacals. Et c'est toi qui paye tout, ça vient rentrer en dessous. Avec les impôts que tu rates, tu vas devenir fou. Laisse, beaucoup trop de choses qui me vexent. Ouais, à la télé, les gens traités comme des caisses. Beaucoup trop de comptes, où les choses baissent. Écoute ceci, man, il est grand temps de regarder la vérité en face. Les hommes politiques dirigent la population dans la face. Trop fiers de nous fonctionner. C'est leur système désordonné qui nous pousse à les fractionner. C'est la justice contre l'injustice. La justice c'est qu'on peut juger un juge et ses complices. Qui espèrent justifier les détournements de fonds. Les documents établis dans l'esprit de contrefaçon. La confrontation est imminente. Car c'est la tromperie des citoyens qu'ils alimentent. Des abus sociaux aux emplois fictifs. Ils effectuent les mêmes abus même en changeant d'effectif. Effectivement, on ne cautionne pas un mouvement sain. Mais on représente les remparts qui nous apportent leur soutien. Car des voix trimées pour cotiser. S'apercevoir que leurs retraites se sont volatilisées. Relatif à trop de gaspillage. On retrouve des familles aussi joyeuses que lors d'un pillage. Les taxes ne cessent d'augmenter. Sans péage, cette flambée de prix en établit repérage et engage le passage à travers cette fracture sociale. Avec mes associés, on a l'état sur le dorsal. Mais on ne s'endort pas en évitant de rester planté sur un banc pour servir d'appât à l'hypocrisie engendrant le mépris des gens souriants. De voir tes espoirs anéantis, mais nos récits retranscrits des faits indéniables. Leur chute est irrémédiable, ils méritent d'aller au diable. On s'en brûle dans mes veines, j'ai dit c'est pas la peine. Heureusement qu'ils ont brisé leur chaîne. Mes ancêtres avaient la haine et pour moi c'est la même. Pour ma liberté je me démène. Again, on s'en brûle dans mes veines, je dis c'est pas la peine. Heureusement qu'ils ont brisé leur chaîne. Mes ancêtres avaient la haine et pour moi c'est la même. Pour ma liberté je me démène.